le Seigneur ne se soucie pas beaucoup de nous. Ou il nous aurait pas mis ici. Je veux dire, regardez où on vit. Oh, c'est la merde. Marié de force avec le malheur, divorcé du bonheur, trop souvent retard et rouleur à l'heure. Je vis dans ce putain de secteur entre la Seine maritime et l'heure. Je balance un molar pour tous ces connards qui me rappellent que dans mes poches y'a pas un dollar. Comme beaucoup de frères et sœurs, chature. Car y'a trop de jours où ça serre la ceinture. En manque d'amour et d'air pur, viens faire un tour ici. C'est aussi gris que Paris, c'est pas Miami. J'ai pas mis la mine, ni mille et une miss. Si t'as du vice, moi j'ai le tournevis. Vite, vite, fais circuler le singe, mais j'aimerais remplir pas mal de bits vite. Et voir se vider tous les bidons vides. Alors je m'active, j'essaye de faire des choses positives. Même s'il y a peu de frères qui tendent la main quand t'es dans la merde. On est dans un monde de chiens où les moiradins sont ceux qui ont rien. Un monde de ouf, faire des trucs de ouf pour ramener la bouffe à la baraque. Comprends que dès que je sors, je m'anesthésie, je fous mon parouf jusqu'à y être fouf. Pour oublier les soucis, cousin, même si c'est pas la solution de se déconnecter de la réalité. Saoulé par la banalité, excès de brutalité, sale mentalité. On exploite nos qualités dans nos localités de 776 pour localiser ici. On aime verbaliser, ce game verbalisé, alcoolisé. Moi j'aime dévaliser les blindés. Il faut que je cesse de paver devant les fourgons blindés. La société maniquée, mais j'ai pas déclaré forfait. Loin d'être parfait, on est des milliers à vouloir briller. Pas bien des billets, pas né pour mendier, mais pour piller. Pas la peine de crier, l'instru je vais la plier. Même si c'est pas le RAP qui me fait manger. J'ai pas l'intention de changer, ni mes textes, ni mes thèmes. Je viens cracher ma haine et mes peines. Pas prêt, me tailler les veines. Je lève mon verre à la tienne et à cette chaîne de vie. Trop de gens le mal de vivre. Comprends que s'exprime les calibres. Mourir pour être libre, y'a quoi écrire un livre. On est enfermé dehors et c'est rien de le dire. Paraît que le pire est à venir, mais le pire c'est que j'ai pas peur de rôtir en enfer. Car le monde tourne à l'envers depuis trop de temps. Ma rage à macérer, ça fait trop de temps. J'essaye de m'insérer jusqu'à ce que je sois mort et enterré. Ils veulent tous me condamner à errer dans les rues. Depuis l'école, ils mettent des bâtons dans les roues. J'espère que tu comprends pourquoi je viens pas faire bouger des culs, mais distribuer des coups. Trop tôt traité comme un chien de la case. Déjà tout gosse, ils m'avaient réservé les places du fond de la classe. Aujourd'hui j'ai dit grand, j'ai pris à peu près 10 ans. Mais rien à faire, manger champ de tous ces gens. Je m'en bats la rage trace et j'évite leur crasse. Nous on garde les deux pieds sur terre, soudés comme le fer. Avec mes cousins et mes frères, on sait ce qu'on a à faire. Gérer nos affaires pour la maille, avoir du flair. Mais garder les idées claires. T'as capté qu'on garde les deux pieds sur terre, soudés comme le fer. Avec mes cousins et mes frères, on sait ce qu'on a à faire. Gérer nos affaires pour la maille, avoir du flair. Mais garder les idées claires. C'est Shunpai et pas le président. Je viens pas te faire un beau discours. Je viens pas non plus te chanter l'amour comme Aznavour. Jusqu'à ma mort, ma vie, moi je la savoure chaque jour. Même quand ça trime et que ça galère, j'ai les nerfs. J'ai même plus à qui j'en veux, à la terre entière. Enfin je crois, c'est ce que je dis quand je bois. Car rien n'a changé depuis l'époque des rois. Les riches ont les lois, les pauvres ont la foi. Tant de pourquoi reste sans réponse. Les bons moments j'y repense, car y'en a pas tant que ça. Voilà pourquoi je les apprécie quand ils sont là et qu'on partage ça. La familia, c'est tout ce qu'on a. Et c'est grâce à elle que même sans thune on décrochera la lune. Fidèle à moi-même, ça vaut bien mieux que toute ta fortune. Si t'as un traître, me serre pas la main. Pour rien au monde, je trahirai les miens. Putain de monde de requins dans lequel faut sans cesse raquer, troquer pour mieux croquer. Je serai jamais dans ton move de t'effroquer. Pas là pour t'escroquer. Mon son, si tu veux le graver, grave-le. Je veux qu'il circule partout, dans la France entière. Et même au-delà des frontières. Nous on garde les deux pieds sur terre, soudés comme le fer. Avec mes cousins et mes frères, on sait ce qu'on a à faire. Gérer nos affaires pour la maille avoir du flair. Mais garder les idées claires.